Quel est le problème avec Michael Jackson? Est-ce que tu comprends ma question? Non, je suis pas sûr, non. Le roi de la pop. Ouhou, hi hi. Ouais, Michael Jackson. Il est allé en Égypte, j'ai vu la photo dans le journal. Salut, avec le gant blanc, je suis Michael Jackson, je dis bonjour de ma chambre. Avec ma figure charcutée. Ton pays l'a obligé à se charcuter la figure. Je crois pas, non. Michael Jackson est le roi de la pop musique d'un putain de pays détraqué. Des conneries de merde, il s'est fait ça tout seul. C'est toi la pauvre merde aveugle, mon ami. C'est tellement normal pour l'homme noir de vouloir la peau blanche et les cheveux raides. Et tu sais pourquoi? Non. Ton putain de pays détraqué oblige les pauvres noirs à se détester comme vous détestez les Arabes et les enfants que tu as bombardés ici. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul is marching. Hey, they're high, they're home, they're golden, welcome as can be. M-I-C-K-E-Y.